قال الإمام أحمد رحمه الله رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي. هكذا العلم. الإمام أحمد يقول لافي دو سفيان أو دو الشافعي أو دو الإمام مالك أو دو الإمام أبو حنيفة سي دي زافي. الإمام مالك أحيانا إلى غيزون أحيانا سي الإمام أبو حنيفة أحيانا سي الإمام الشافعي أحيانا سي الإمام سفيان وهكذا سي دي زافي. قال رحمة الله عليه وهو عندي سواء. هكذا. أما الهوى penser que tel الشيخ il a forcément raison et tel الشيخ il a forcément tort c'est الهوى. أما نحن هكذا on doit être avec أهل العلم. L'avis de Cheikh Ibn Baz c'est un avis, il peut avoir raison, il peut avoir tort. L'avis de Cheikh Al-Albani c'est un avis وهكذا بقية أهل العلم. أما penser que Cheikh Al-Albani il a toujours raison ou Cheikh Ibn Baz il a toujours raison هذا c'est الهوى et c'est الجهل. قال رحمة الله عليه وإنما الحجة في الآثار. الحجة في الآثار في قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إجماع الصحابة الحجة. أما الأفيد صابون الإمام أبو حنيفة إلى ديزيرور الإمام مالك إلى ديزيرور الإمام الشافعي إلى ديزيرور الإمام أحمد إلى ديزيرور ils peuvent pas toujours avoir raison. فما بالك الإمام qui sont venus après eux. نحن نسى عقيدة أن celui qui se trompe pas c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam فيجب اتباعه في كل شيء. أما autre فكما قال الإمام أحمد c'est un رأي c'est un avis on peut prendre on peut rejeter. Si c'est un savant bien sûr avec mahabba واحترام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع. quand il y a un خلاف بين أهل العلم tel الشيخ il a un avis et tel الشيخ il a un avis que ce soit في الفقه que ce soit حكم على كتاب أو على رجل أو أطر. quand il y a un نزاع بين أهل العلم on n'a pas le droit de faire passer la parole de tel الشيخ avant tel الشيخ. Celui qui fait passer la parole alors qu'il n'y a pas de délil, il ne suit pas le haq, il suit le shir. Et là, c'est très grave. قال شيخ الإسلام إنما الحجة النص والإجماع. La preuve, c'est quoi? C'est un nos, Coran ou Sunnah, ou Ijma', l'unanimité. Amma, quand il y a un khilaf, fais attention de ne pas suivre Al-Hawa. Tu prends tel avis et Al-Nahu, ça t'avantage. Tu prends tel avis et elle n'atteint pas un tel et tu veux le contredire. Tout ça, c'est le hawa. C'est du din, hada. C'est du din, c'est pas dunya l'an. Et din, c'est fondé sur l'ikhlas ou le mutaba'a. Kadhalik, quand il y a un khilaf, l'aktharia, elle n'a pas forcément raison. Ou l'qilla, c'est pas forcément une erreur. Quelques mashayikh, ils ont un avis et la majorité, ils ont un autre avis. La majorité, elle n'a pas forcément raison. Al-hujja, c'est nas ou l'ijma'a. La question se pose, pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ces masail al-jahl? Pour revenir à l'hujja, al-nas ou al-ijma', il faut du ilm. Amma taqlid, c'est très simple. Quand il y a une fitna, un khilaf, tel sheikh il a raison. Pourquoi li annahu, c'est un tel ou ils sont plusieurs? Ah là, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Amma al-tajarrud, al-insaf, al-ikhlas, faire des efforts, patienter. C'est ça, tariqu al-anbiya. Amma, suivre la majorité, c'est pas une solution, abadan. Kadhalik, ça veut pas dire que quand il y a un khilaf, la majorité, elle a forcément tort, là. Ahyanan, la minorité, ils ont tort, et c'est la majorité qui a raison. C'est quoi le mizan? Kama qala al-imam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Innama al-hujja, al-nas, wal-ijma'. Qala, rahmatullah alayhi. فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية قاعدة ساسين غير كي تستغفر أخي الكريم أن أقوال العلماء سبا إن حجة سبا إن بخوف. أقوال العلماء لا يحتج لها أي أنها تلابخوكم حجة لا. أقوال العلماء قال لا يحتج بها لكن يحتج لها. أقوال العلماء pour le prendre t'as besoin de renforcer avec un dalil. C'est pas le qawl qui t'emmène le dalil là ou le qawl lui-même c'est le dalil là. Vous avez compris al-farq. Le qawl en d'autres mots s'il est fondé sur le hujja on l'accepte. S'il n'est pas fondé sur le hujja on l'accepte pas. Et si c'est un savant de la sunna alhamdulillah il a son excuse. Amma l'appliquer fala. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقي هذا مهم لكن مثل هذه النقولات من علمائنا من أئمة الإسلام الحقيقة لابد من تطبيق أما القراءة سهل وهذه النقولات منتشرة ولله الحمد لكن عند الفتن عند النزاع عند الاختلاف on doit faire attention قال ابن أبي العز وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الآخر quand il y a un خلاف بعضهم يكونوا من الحجة il sait même pas encore qu'est-ce qui se passe à la mas'ala il penche déjà لكن الشيخ un tel il a dit أخي ما تدري ادرس المسألة أولا لكن هذا الميل c'est الهوى et pencher vers un autre alors qu'il ne connaît même pas la mas'ala. Étudier la mas'ala, celui qui a le hujja, c'est lui qui a raison. Si c'est des savants de la sunna, alhamdoulilah, on les respecte, et on prend un tel, pas parce que c'est ton shir, ou parce qu'ils sont plusieurs, ou parce qu'il vient de tel pays, là, لأنه il a le hujja. قال ابن أبي العز ومن اعتقد هذا فليراجع عقله. Celui qui pense que tel shir, il a forcément raison, même s'il n'a pas de délit, il faut qu'il يراجع عقله يفيريفي سون عقل لماذا لانه الى ان بروبليم دون سون دين اي ان بروبليم دون لا ريزون لماذا لان الحق سا بو اتر افيك ان تيل سا بو اتر افيك ان اوتر ان جور سا بو اتر تيل شيخ كي ا ريزون ان اوتر جور يس ترومب سي ان اوتر هكذا حكمه الله سبحانه وتعالى فلهذا قال الامام المعلمي رحمه الله عليه بمعنى كلامه ان الله سبحانه وتعالى ربما هذا العالم من العلماء الأئمة الكبار يخطي في مسألة زلة هفوة quelque chose il le pousse cette chose elle le pousse à se tromper et Allah سبحانه وتعالى يبتلي العباد هل يتبعون الحق أو الرجل لهذا on doit faire attention أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية إمام كبير il se trompe si tu cherches le حق tu prends pas son قول في هذه المسألة et ça reste شيخ الإسلام وهكذا بقية الأئمة الأحياء والأموات قال ابن أبي العز رحمة الله عليه فإن هذه غفلة عظيمة غفلة هذا صاغيف de ceux qui sont éloignés du علم يسويف فقط قال وإذا كان الأمر كذلك فما من أحد وقد فاته الصواب ولو في مسألة قد خالفه فيها غيره N'importe quel savant, les anciens ou les contemporains, mahma balagha ilmu, la chaque anna, dans une mas'ala ou plusieurs, il s'est trompé. Les ma'adha, les anna, il ne peut pas tout connaître. Al-isma, c'est les rusul ou l'anbiya. Et il y a une fa'ida azima. Fa'idatun azima, anna al-isma l'anbiya faqat. Les ma'adha, les anna hum, c'est hum l'marji'a, c'est hum l'qudwa. Mathalan, nahnu, notre umma, tout le monde peut se tromper, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une hikma azima, on doit tous le suivre. Amma, il y aurait un deuxième qui se trompe pas. On doit suivre les deux. Hadala. Celui qui est suivi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste, ils peuvent se tromper. Enfin, on a ce mizan, on regarde leur aqwal. Qala rahmatullah alayhi, nakhtasir kalam fa alayhi, an yu'aridaha ala dalil, wa la yaqtasir ala ma qalahu ashabuhu fi kalami alayha, li ihtimal an yakun indahu man khalafahu min ad-dalil, ma laysa indahum. Kadhalik, quand il y a un khilaf بين اهل العلم tu fais des recherches amma wahed que tu connais t'a dit c'est kada et il cite que l'avis qu'il a lui ou qui veut lui ou qui suit lui fa rubbama al hujja li avec un autre on fait attention la tata'assab li shaykhik la tata'assab li aqwal zumala'ik ay tes amis annahum ikonnaissent ce qawl c'est forcément le haq la al insan al insaf wal ikhlas يبحث عن الحق فإذا وجده الحمد لله لا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان ينظر في كلام أهل البدع والضلال لا الخلاف qu'on parle الآن c'est entre علماء السنة مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه il a divergé avec l'imam Malik رحمه الله on regarde peut-être que la vie car celui qui a raison c'est l'imam الشافعي peut-être que c'est l'imam Malik الله أعلم ça demande des recherches وهكذا les savants contemporains العلماء المعاصرون أما أهل البدع أصلا tu t'approches pas d'eux tu n'écoutes pas d'eux وهكذا الحمد لله الشيخ عبد السلام on va lire son كلام في هذا إن شاء الله تعالى فعلى كل حال الميزان الحقيقي الشرعي c'est القرآن والسنة فلا يجوز التعصب والتقليد كذلك لا يجوز الابتعاد عن أهل العلم فخير الأمور وسطها.